Raconte-moi, petit Rastaman, tu ne vas pas rester au banc de la société avec ton Walkman vissé sur ton crâne. Dis-moi comment tu fais pour travailler, petit Rastaman. Tu fumes la ganja pour être au Nirvana, tu dis c'est de l'afghan, qu'avec ça tu planes. Chez le psy tu iras, tu guériras, prends-toi en main, c'est ton destin. De petites fourmis, d'hommes soumis, pour notre bonheur, sois un winner. Ta liberté, c'est de bosser, élève-toi tôt, car il nous faut une croissance à 4%. Regarde-toi, petit Rastaman, tu pêches la morue, ta vie est dissolue, deviens monogame, trouve-toi une femme et fais-lui des marmots, bien comme il faut, petit Rastaman. Va donc chez le coiffeur, va donc chez le tailleur, ouh yeah, crasse Rastaman. Avec cette garde-robe, t'auras pas de job, prends-toi en main, c'est ton destin. De petites fourmis, d'hommes soumis, pour notre bonheur, sois un winner. Ta liberté, c'est de bosser, élève-toi tôt, car il nous faut une croissance à 4%. Prends-toi en main, c'est ton destin. Tu iras loin, tu le vaux bien. Je mise en l'un. Sois un requin, mange à ta faim, tu seras le bien sûr et certain. Oublie le joint, Jamaïcain, prends-toi en main, c'est ton destin.